Bonjour mes chers amis, et on continue ensemble l'étude du chapitre 21. Et aujourd'hui, on va voir la section verset 25 jusqu'au verset 33, que Jésus va parler de la destruction des nations. Notre bon Père du ciel, nous sommes bénis, nous sommes privilégiés de voir dans ta parole, de croire que ta parole nous dit qu'est-ce qui s'en vient dans les temps futurs. Jésus, il y a 2000 ans, avait prédit la destruction du temple et c'est arrivé. Il avait prédit la destruction du peuple d'Israël et que les Juifs seraient amenés parmi toutes les nations. Et c'est accompli. Et maintenant, il va nous emmener un troisième temps, la fin de ce monde tel qu'on le connaît. Dirige-nous à bien comprendre et à accepter que cette destruction vient de toi. Et la raison, c'est le monde t'a rejeté, toi, son Créateur, son Maître, son Seigneur, son Sauveur. Amen. Donc, on est quelques jours avant, peut-être le mercredi ou le jeudi, avant que Jésus meure. Il va... Il est en train de parler à ses disciples. Luc veut qu'on voit comme un ensemble que Jésus a dit pendant qu'il enseignait dans le temple à Jérusalem, dans les derniers jours de sa vie. Et on a vu que ça a été enclenché par le fait qu'il a regardé des gens mettre de l'argent dans les trônes, dans les plats d'offrande, si je pourrais dire ça ainsi, dans les boîtes d'offrande. Et il voit des gens riches qui donnent de leur superflu. Et Jésus dit, en comparaison de la veuve qui a donné juste quelques sous, mais qui a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre, il dit, c'est elle qui a donné le plus, parce qu'elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a démontré que celui à qui elle donnait, qui était Dieu, était plus important que sa propre vie elle-même. Et les chrétiens font toute la même chose. Les chrétiens meurent à eux-mêmes, renoncent, on a vu ça dans Luc, hein, renoncent à tout ce qu'ils possèdent, et ils quittent tout ce qu'ils possèdent et ils deviennent des serviteurs et des servantes de Dieu. Quand je donne ma vie à Dieu, je donne tous mes biens. Je ne donne pas du superflu. Quand tu donnes ta vie, tu ne donnes pas ton superflu, là. Tu donnes ce que tu es, tu donnes ton être. Ta propre vie, tu l'as donnée au Seigneur Jésus. Tu as tout donné, elle ne t'appartient plus ta vie. C'est que si je me donne comme serviteur, comme esclave à Dieu pour l'instant de ma vie, il n'y a plus rien qui m'appartient, il n'y a pas de superflu là. C'est tout lui appartient. Quand je prends la décision de devenir un croyant, un serviteur de Dieu, j'agis comme la veuve, la pauvre veuve qui avait donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Moi, j'ai donné toute ma vie à Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde et dans sa bonté envers moi. Il dit, parce que, Israël, tu donnes juste de ton superflu, parce que tu as rejeté ton Dieu, parce que tu as rejeté Jean-Baptiste, parce que tu m'as rejeté moi et tu vas me faire mourir, Dieu va détruire. Il ne restera pas pierre sur pierre ici, qui ne sera pas renversé. Tout va être détruit. On a vu, voici ce qui va arriver avant. Hein? Séduction, temps difficile, persécution. Ensuite, ça, il dit, voici ce qui va arriver pendant la destruction du temple. Les armées vont venir, ils vont emmener une grande désolation, une grande détresse dans Jérusalem, dans le pays. Et les captifs, les Juifs vont mourir au fil de l'épée, ils vont être amenés parmi toutes les nations comme captifs. C'est un jour de vengeance et de colère de la part de Dieu contre ce peuple qui l'avait rejeté depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, on est aussi au verset 25. Là, il va parler de la destruction du monde entier. Il va parler de la venue du Fils de l'homme. De cette venue, cette expression a déjà été utilisée par Luc dans les chapitres avant. L'apparition du Fils de l'homme, c'est sa deuxième venue. Quand il va revenir, quand il va venir dans toute sa gloire. La première fois, il est venu dans toute son humilité, je pourrais dire. Comme serviteur, et il est mort sur la croix, mais la deuxième fois, il va venir avec ses anges et la puissance du ciel pour détruire tous ses ennemis. Lisons ensemble, verset 25 jusqu'au verset 33. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme, venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jusqu'à date, Jésus avait parlé de la destruction du temple et de chez les Juifs. Parce qu'il avait dit, hier, qu'il dit, les nations vont venir, les armées vont venir, ils vont fouler Israël. Ils vont détruire Israël. Et c'est les nations, c'est le temps des nations, c'est les nations qui sont au-dessus, qui écrasent, qui dominent. Mais là, au verset 25, c'est les nations qui sont dans l'angoisse. Voyez-vous là, c'est plus Israël, c'est les nations qui sont dans l'angoisse. C'est les nations qui vont subir la colère de Dieu. Les nations ont été utilisées pour un jour de vengeance et de colère sur Israël. Maintenant, Dieu va amener sa colère et sa vengeance sur les nations. Ce n'est pas la première fois que ça arrive de même dans l'histoire d'Israël. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que des fois, Dieu utilise des nations pour châtier, corriger son peuple. Mais ensuite, Dieu corrige les nations qu'il avait utilisées. Des fois, c'est les Syriens, des fois, c'est les Babyloniens. Des fois, c'est les Assyriens. Mais Dieu, ici, il parle aux nations, à tous ceux qui ne sont pas juifs. Il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Donc, il va y avoir des manifestations grandioses. Si vous lisez l'Apocalypse, qui parle de ce temps-là, ben, on peut comprendre un peu mieux. Mais rappelons-nous, Théophile, lui, entend ça, puis il dit, il va y avoir des phénomènes, des choses très grandes dans le ciel, dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles. Il va y avoir des catastrophes grandes, épouvantables. Il dit, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc, il dit, il va venir des grands moments de difficulté, des grands moments de bouleversement sur la terre. Le ciel, la terre, la lune, les étoiles, tout ça va être bouleversé. C'est des catastrophes, je dirais, cosmiques. Et les hommes sur la terre, les nations sont bouleversées, sont remplies de peur et d'angoisse. Verset 26, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux sont ébranlées. Donc, quand les hommes de la terre, quand les hommes de la planète, les hommes et les femmes, les enfants, tout le monde, la population du globe, vont voir ces choses-là arriver dans le ciel, je crois jusqu'à certains points, ils séparent les cieux avec la terre. Ce qui va arriver sur la terre, ça va venir du ciel. Ces moments de tourment et d'angoisse vont venir du ciel. Pas juste de la matière, soleil, lune et étoile. Mais il tentait de dire, ça va venir du ciel sur la terre. Et quand on voit l'Apocalypse, souvent quand je l'enseigne, je dis, l'Apocalypse, ce n'est pas les nations contre les nations. Comme on avait vu hier, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Ici, c'est le ciel contre la terre. C'est les choses des cieux contre la terre. Tous les peuples de la terre sont dans l'angoisse à cause de ce qui va arriver dans le ciel. Voyez-vous, c'est le ciel qui s'attaque à la terre. Verset 27. Alors le Fils de l'homme venant sur une nuée avec la puissance et une très grande gloire. Il dit, quand le ciel va être contre la terre et que la terre entière soit devant dans l'angoisse et dans la terreur, le Fils de l'homme va venir avec une grande puissance, avec une grande gloire. Verset 28, il dit, quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Vous avez souffert. On vous a persécuté, on vous a haï, on vous a passé au fil de l'épée, on vous a fait mourir, on vous a enlevé vos biens, on vous a maltraité, on s'est moqué de vous, on a ri de vous, on a fait toutes sortes de choses à cause de mon nom. Parce que vous avez été des témoins de mon nom. Il dit, quand vous allez voir ces choses-là arriver, réjouissez-vous, levez-vous la tête, relevez les épaules, mettez-vous un sourire dans la face, si je peux dire ça comme cela. Par votre délivrance approche. Là, il donne la comparaison du figuier. Il dit, quand vous regardez les arbres, les fleurs, hein, on le fait nous aussi quand on voit ça. Ah, le printemps arrive. Là, on a tous nos petits signes selon le pays dans lequel on reste, selon la culture, selon la. On est-tu dans le pôle nord, on est-tu dans le pôle sud, on est-tu à l'équateur, on est-tu dans les pays tempérés. D'après ce qu'on est, on a notre façon de voir arriver le printemps et l'été. Dit, quand vous voyez les choses arriver, comme le figuier, les arbres, tout ça, les feuilles, les petits minous qu'on dit qui sortent des branches, les bourgeons, tout ça, vous savez que l'été s'en vient. Dit au verset 31, dit de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ça l'arrive, votre délivrance arrive. Dieu va renverser tous les peuples de la terre. Va anéantir toutes les nations, va détruire tout ce monde dans lequel nous vivons. Et selon le livre d'Apocalypse, il va en bâtir des nouveaux pour son peuple. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Peu importe dans quelle période de l'histoire les chrétiens vivent. Ils sont persécutés, ils sont rejetés, ils sont moqués. On les détruit, on les fait mourir, on les fait périr. On s'attaque à eux de toutes sortes de façons. Il dit, persévérez, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas arrêter par les difficultés de la vie. Ne me reniez pas, persévérez jusqu'à la fin, même dans la mort, continuez à persévérer. Votre délivrance va venir un jour. Votre délivrance va venir. Je vais venir avec toute ma puissance et toute ma gloire et je vais anéantir toutes ces nations qui vous persécutent et qui vous font souffrir. Et je vais vous établir, moi, dans le royaume de Dieu, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. De quelle génération il parle ici? Je crois qu'on est obligé d'aller plus loin que la génération du temps de Jésus ou du temps des apôtres. Tout le but d'aller un peu plus loin que cela. Parce que là, il parle de la destruction. On a parlé de la destruction du temple, on a parlé de la destruction de Jérusalem par les nations. Là, il y a eu le temps des nations. Et là, Jésus vient dans toute sa gloire détruire ces gens-là qui ont persécuté son peuple, qui ont haï son peuple et son nom. Donc, je crois que la génération. Ça me semble le plus facile à comprendre. La génération qui va voir ces choses arriver, ça va se produire dans cette génération-là. Quand vous allez voir ces choses arriver, relevez la tête. Quand vous allez voir ces choses arriver, ça va se passer dans cette génération-là. Je crois que c'est ça qui est le plus simple à comprendre. Donc, ça ne va pas durer longtemps, cette transition entre le monde tel qu'on le connaît. Et le monde à venir, les nouveaux cieux, nouvelles terres. Jésus dit au verset 33, « Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. » Il dit, ce que je viens de vous dire là, à vous qui m'écoutez dans le temple à Jérusalem, en l'an 33 à peu près, après Jésus, l'an 30-33, peu importe, quelques années de différence là. Ce que je vous dis maintenant ici, je vous le dis, ces paroles-là sont certaines, elles vont arriver. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas décourager par les moments difficiles de la vie. Ne me reniez pas pour sauver vos propres vies, mais persévérez jusqu'à la fin. Les paroles que j'ai dites vont s'accomplir. Il va y avoir une délivrance de tous ceux qui se sont convertis à Dieu, tous ceux qui se sont repentis envers Dieu de l'avoir abandonné, et tous ceux qui vont avoir cru en Jésus-Christ comme le Sauveur du monde. Je vais venir vous chercher. Je vais vous établir dans le royaume de Dieu, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Demain, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire en attendant la destruction de ce monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? À quoi on doit occuper notre temps, nous les croyants? Notre bon Père du ciel, c'est merveilleux ce que tu nous dis, c'est grandiose. Dans un sens, oui, oui, il y a des temps difficiles qui nous attendent. Il y a eu des temps difficiles pour tous les croyants à travers toute l'histoire. Les croyants juifs ont été persécutés par le leur, par leur propre maison, dans leur propre famille, leurs propres parents, leurs propres amis. Les chrétiens non-juifs ont été persécutés par leurs parents, par leurs amis, par leurs maris, par leurs femmes, par leurs enfants, par les gens proches d'eux. Ils ont été haïs de tous. Oui, il y a des temps difficiles que tu as annoncés. Mais, par la bouche de Luc à Théophile, tu nous dis, le monde dans lequel vous vivez va avoir une fin. Le monde dans lequel vous vivez va être détruit, va subir la vengeance et la colère de Dieu. Et un nouveau royaume va être établi pour Dieu et pour son peuple. Gardez foi dans mes paroles. Au nom de Jésus, Amen.